La vie nous fait pas de cadeaux, tous les jours la même rengaine. Tous les jours on fait nos courses à Lidl. Ça trime pour finir un jour dans un cercueil. Trop souvent en deuil, quand des proches à nous partent. On sait quand on est, mais la suite est une énigme dont on détient pas encore les cartes. La vie de salope comme cette pute qui écarte les pattes. Y'a trop de choses immondes comme ces enfants qui subissent des sévices sexuels. La vie si cruelle qu'elle part sans prévenir. T'as beau te préserver, seul Dieu sait ce qui t'est réservé. On joue trop avec le bien et le mal, mais tout se paye un jour. Je laisse rime avec Ypres, drogue avec Cyborg. Aucun âge d'épargner, trop de lâches compte sur eux pour épargner. On a tous un jour rêvé, venir blindé. De la cam tu revendrais, de l'illicite tu rêvais. Mais tu sais pas comment les Schmitt vont venir te péter. Tes pensées commencent à t'empêcher de dormir. Tes dettes à t'ensevelir, mais que penser pour ton avenir. Un gramme de C pour repartir, mais tu sais à quoi t'en tenir. Ta vie ne sent pas l'avenir. Tu la crois gâchée, mais arrête, tu peux repartir. Je te faut départir, j'ai vu trop de repartir. Pour les drogues, parfois ça tire et peut sentir. La prison mieux, parfois c'est pire. La France, pays illusoire où l'on fabrique des SDF. Et j'entends là du Stade de France, les rois c'est pas le peuple mais elf. Ça détruit des HLM pour traquer le HMM. Par des idées malsaines, moi les pauvres sous le Wallier. Je te parle même pas de la scène. Respect à Emmaüs, ces banques alimentaires. Les médecins sans frontières. Tous ces gens au grand cœur qui fournissent l'aide humanitaire. Je peux te dire comment ça fait de se retrouver face contre terre. Aidé par mon orgueil, je voulais pas en demander. Je voulais me débrouiller seul et pas finir dans un linceul. Pourtant tant de monde affronte la vie au jour le jour. Se font lever de leur sommeil dès le lever du jour. Dans les rues en bas de nos tours, j'ai pas de maison à mon détour. Ou même à Saint-Tropez, la frange des risques m'a bien trompé. Même chum du shit, je suis toujours OP. Pas de CD, des CDD, les banlieues sont discriminées. Pour réussir, c'est deux fois plus de force, c'est l'intérim et le terrain miné. Pour s'établir, faut s'investir et tout déminer. On est des cailles et pas des minés. Alors le steak, on va pas lâcher, on veut notre part de billets. Je connais la misère, et cette période, je peux pas faire briller. Mon cerveau, j'ai attaqué pour pouvoir oublier les moments traqués par les Schmitt. Les moments où je vivais dans la ville. Pas de cuisine Schmitt, carré chaud vide. Avec la caisse comme seul abri, la voix de ma mère et de mes amis. Comme seul refuge, réchauffe ma vie. Et le Rital en a pavé. Avant d'arriver jusqu'ici, le Rital en a pavé. Je demande une dernière chance à accorder juste pour la vie.